Aubry, bonjour à tous. Recherche suspendue à Marseille. De nouveaux immeubles menacent de s'effondrer dans le quartier où trois bâtiments se sont écroulés lundi, faisant au moins 6 morts. Ils doivent être démolis par mesure de sécurité. Du coup, les opérations de déblayage ont été interrompues pour 24 heures. Deux personnes sont toujours portées disparues. Les riverains dénoncent l'insalubrité de l'habitat. Hier soir, une centaine de militants se sont rassemblés pour dénoncer le mal logement. Le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, s'exprimera en fin de matinée. À Charleville-Mézières, dans les Ardennes, il n'y a pas eu de victime, mais là aussi un immeuble s'est effondré hier soir dans le centre-ville. C'est une occupante qui a donné l'alerte avant de quitter les lieux. Une enquête a été ouverte afin de déterminer s'il y avait mise en danger de la vie des habitants. Un hommage qui passe mal. Hier, Emmanuel Macron a jugé légitime de rendre hommage au maréchal Pétain samedi aux Invalides dans le cadre du centenaire de l'armistice de 1918. Finalement, face à la polémique, l'Élysée a rétro-pédalé dans la soirée. Aucun honneur ne lui sera rendu. Aujourd'hui, le président poursuit son déplacement sur les traces de la Grande Guerre. Il doit se rendre à Notre-Dame-de-Lorette dans le Pas-de-Calais après avoir visité une usine Renault dans la matinée. À l'étranger, au Pakistan, cela faisait 8 ans qu'elle était dans les couloirs de la mort pour blasphème. La chrétienne Asia Bibi a été libérée, elle a été emmenée en lieu sûr. Son mari réclame l'asile aux États-Unis, au Canada ou à la Grande-Bretagne. La France propose de les accueillir. Les sports, Lyon a raté incroyable coche hier en Ligue des Champions. Et oui, alors que l'OL menait 2-0 face à Hoffenheim lors de la 4e journée, le club a fini sur un nul 2 partout. Dans le même groupe, Manchester City a écrasé le Shakhtar Donetsk 6-0. Il se qualifie pour les 8e de finale. La 5e journée se jouera les 27 et 28 novembre. Ce soir, place à la Ligue Europa avec trois clubs français en lice. Marseille qui se déplace sur la pelouse de la Lazio Rome. Rennes joue chez les Ukrainiens du Dynamo Kiev et Bordeaux reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg. Enfin, toujours en foot, Didier Deschamps dévoilera cet après-midi les noms des 23 joueurs retenus pour affronter les Pays-Bas. Ce sera le 16 novembre dans le cadre de la Ligue des Nations. La météo dans la matinée, la grisaille dominera de la vallée de la Garonne au pays de la Loire. La perturbation d'hier, elle va s'évacuer par le sud-est du pays avec des averses sur l'est de la vallée du Rhône et la Corse. L'après-midi, le temps restera plutôt agréable avec une alternance de nuages et d'éclaircies, même si le ciel restera parfois bien voilé, accompagné de quelques gouttes dans le Finistère. Dans la soirée, une nouvelle perturbation arrivera par la Bretagne. Il pleuvra aussi sur les Cévennes. Les températures ce matin, elles sont de saison. 5 degrés à Caen et Bergerac, 6 à Vitré, 7 à Lille, 9 à Metz et Lyon, 14 à La Ciotat et à Porto-Vecchio. L'après-midi, on attend 12 degrés à Paris et Dijon, 13 à Quimper, 14 à Châteauroux et 17 à Montauban. 6h02, bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le double expresso RTL2, après le J de Justine, le J de Jade. Voici Alright sur RTL2. To look down at you. Things gonna be on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be made for us. Stir it up tonight, we won't. Presso RTL 2, All Right. Grégory Achère et Justine Salmon. Bon réveil avec le double Expresso RTL 2. C'est jeudi aujourd'hui, c'est le 8 novembre. Bonjour à tous et bienvenue dans le double Expresso RTL 2. Bonjour Justine. Coucou, salut Greg. Ça va, t'es en forme? Oui, et toi? Ouais, ça va. Bonjour à toute la bande. Bonjour Jonathan. Bonjour les amis. 6h55, 8h55, 8h03 de l'actu évidemment. Bonjour à Max. Coucou, salut l'équipe. Qui est avec vous sur Twitter, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux et aussi un petit peu avec nous également. Et puis bonjour à Jérémy qui est aux manettes. Oui, tout à fait, bonjour. Ça va, il a ressorti ses lingettes. Il nous nettoie la console à nouveau. Lui, c'est l'hiver. Ah bah, vous savez, Jérémy, c'est le de la bande. Oh là là là, il dit bonjour avec les coudes, enfin c'est un truc de fou, hein, Jérémy. Bonjour à Jules, Anna et Clara évidemment qui sont avec nous ce matin. Aujourd'hui c'est la journée mondiale de la qualité, donc bonne fête à moi. À toute l'équipe. Oh là là, celui-là, j'en peux plus. C'est pour faire le babo, mais bon, évidemment, on n'y pense pas du tout. Keane, Imagine Dragons, les Red Hot Chili Peppers. Enfin, si on y pense, mais on est obligé de dire qu'on n'y pense pas. Oui. C'est bien normal. Il y aura le tube de la brosse à dents à 6h45, le winner du jour, l'horoscope, et puis l'info expresso. Oh bah tiens, on va en parler dans quelques secondes. Tu vas nous parler de quoi? Bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Noël. Ah. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and case your heel. 'Cause with the birds I'll share this. Californication à la toute fin du siècle dernier, en 99. Donc, attends, tu nous as dit il y a quelques secondes, Justine, tu vas nous reparler de Noël. Je réalise oui, d'un coup. Oui, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de vous aider à passer un Noël écolo. Ah, Noël, intéressant. Noël, on a déjà fait cette semaine. Bah, ça se prépare Noël, donc je vous aide à préparer Noël. Là, je me fais engueuler. Et là, c'est écolo. Ah oui, en plus. Bon, bah, très bien. Ah, oui. Oh, yes. Et Imagine Dragons, ça arrive. Deux pouces en l'air. Ah ouais. Next to

parfait. C'est à Saint-Geoffroy aujourd'hui. Il y a plein d'autres prénoms. Il y a beaucoup trop de prénoms. Vous irez chercher sur Internet. Vraiment, non, il y en a beaucoup trop aujourd'hui. C'est incroyable toutes ces fêtes. Bonne fête à tous. Voilà. Puis on vous aime quand même, hein, je vous rassure. La Fox Expresso, on parle de Noël avec Justine. Après Imagine Dragons sur RTL. Le voici Next to Me. Something about the way that you walk into my living room. Casually and confident. Looking at the mess I am. But still you want me. Stress lines and cigarettes. Politics and deficits. Late bills and overages. Screaming and hollering. Sort ce vendredi, c'est-à-dire demain. L'info expresso RTL2. Demain, Imagine Dragons, Noël. Pouf, dans un mois et demi, mais Justine est déjà au taquet. Bah oui, parce que vous savez, c'est ma passion. On parle donc de Noël. Elle fait du bien cette chanson. Ce soir, on passe à la télé. Bon, ce soir, ensemble, on va chanter. On peut faire l'info expresso ou finalement on se fait... Première info très importante, le secrétariat du Père Noël a ouvert ses portes hier à Libourne. Donc tous les enfants là peuvent envoyer leur liste de cadeaux au Père Noël. Ça y est. Bon, parfait. C'est acté. Et je vais vous aider, moi, à passer un Noël écolo. À acheter de la déco de Noël écologique. Déjà un sapin de Noël éthique. Ah, déjà, ouais. Déjà. Privilégiez les sapins en pot ou ceux que vous pourrez replanter ensuite et essayer de trouver son origine. Hein. Made en in France, c'est pas mal. POT, parce que je l'imaginais en pot. Je me dis, mais comment tu veux qu'on fasse un sapin avec de la peau? J'avais pas compris. D'accord. En poté, qu'on puisse le réutiliser. En pot, tout à d'accord, fait. Très bien. Les calendriers de l'Avent maison aussi, c'est très facile. Au lieu d'en acheter en grande surface qui requiert un emballage plastique, bah faites-le vous-même. Moi, ma maman en avait un qu'elle avait fait en patchwork, on achetait des bonbons qu'on mettait dedans. En plus, c'est personnalisé. C'est beaucoup mieux. Bah oui. Bah, moi, je vais me faire engueuler par les enfants si je fais ça. Donc, bah, tu rigoles, moi, bah, tu rigoles, moi, je préférais, petite, j'achetais des bonbons. Regarde ce que ça donne après, plus tard. Bah, non. Et manger local aussi, c'est important pour votre dîner Noël parce que vous achetez par exemple du saumon, vous savez pas où il a été élevé le saumon. Ah, il vient d'où? Et bien, il vient pas de la terre. Ah non, ça, non. Misez plutôt sur les fruits de mer, achetez si possible chez le producteur, c'est sain, c'est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et les légumes, ça on le répétera jamais assez, pensez à privilégier ceux de saison. Sinon mangez une dinde. Hein. Aussi. Manger des légumes. Bah, en entrée, du saumon. Hein. Mais oui, non, c'est vrai, t'as raison. Bah, merci pour tous ces bons conseils précieux pour avec Noël. Avec plaisir. J'ai hâte vraiment de reparler Noël dès demain. Moi aussi. Avec Justine. C'est Kin. Everybody's changing dans le double expresso RTL de 6h20. Dans le double expresso RTL 2, il est 6h24. Greg, on y va pour l'horoscope avec les médailles de bronze et les scorpions. J'ai l'impression que c'est un ordre, alors on y va. Médailles de bronze avec les scorpions, ne vous laissez pas influencer par les mauvaises personnes. J'aime être autoritaire parfois, les sagittaires. Ça fait des frissons. Vous vous mettez trop la pression, ralentissez le pas. Non, Verseau. J'ai pas obligé de fouetter pour être autoritaire. Les Verseaux, vous êtes fatigués, mais tenez bon, la semaine est presque terminée. Et médaille d'argent maintenant pour les béliers. Ouais, c'est la journée idéale pour passer du temps en famille. Les taureaux. Vous êtes très détendu en ce moment, cela joue en votre faveur. Gémeaux. Ne cessez jamais de sourire, la vie est belle. Cancer. Aujourd'hui, les ondes positives sont de votre côté. Les lions. Vous êtes tenaces, ne lâchez rien, la réussite est proche. Les vierges. Votre atout séducteur sera de la partie en cette fin de semaine. Balance. La chance se provoque et vous l'avez bien compris. Les poissons. Vos proches apprécient beaucoup votre ouverture d'esprit. Et puis médaille d'or aujourd'hui pour les capricornes. Eh bien, votre journée se déroulera sans encombre.

Moi, je l'ai acheté chez mon distributeur Mercedes. Il y a ceux qui se rassurent et ceux qui sont sûrs. Les véhicules d'occasion du réseau Mercedes-Benz sont entretenus par nos experts et garantis 2 ans. N'attendez pas pour repartir avec la Mercedes de vos rêves. Rendez-vous sur occasion-mercedes.fr. 7 RTL de Le Double Expresso à la seconde presse, 6h30 avant YouTube, vos infos, Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Pas grave. Une journée de lutte contre le harcèlement scolaire aujourd'hui. En France, environ 700 000 enfants ou ados en sont victimes, soit 6% des élèves. Et cette année, le gouvernement veut mettre l'accent sur la cyberviolence et en particulier sur le chantage à caractère sexiste ou sexuel via la diffusion d'images intimes. Il touche essentiellement les collégiennes âgées de 12 à 15 ans. Un numéro d'écoute national a été mis en place. Il s'agit du 30-20. Il permet également de faire des signalements. Le 30-20. Recherche suspendue à Marseille. De nouveaux immeubles menacent de s'effondrer dans le quartier où 3 bâtiments se sont écroulés lundi, faisant au moins 6 morts. Ils doivent être démolis par mesure de sécurité. Du coup, les opérations de déblayage ont été interrompues pour 24 heures. 2 personnes sont toujours portées disparues. Les riverains dénoncent l'insalubrité de l'habitat. Hier soir, 100 de militants se sont rassemblés pour dénoncer le mal logement. Et à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, il n'y a pas eu de victimes. Mais là aussi, un immeuble s'est effondré hier soir dans le centre-ville. C'est une occupante qui a donné l'alerte avant de quitter les lieux. Une enquête a été ouverte afin de déterminer s'il y a eu mise en danger de la vie des habitants. L'Église s'attaque à la pédophilie dans le clergé. Les évêques de France, qui étaient réunis à Lourdes hier soir, ont annoncé une série de mesures visant à combattre ces abus. Ils ont notamment décidé de créer une commission indépendante sur les agressions sexuelles, composée de juristes, de médecins et d'historiens. Elle aura pour rôle de faire l'inventaire de tous les faits de pédophilie depuis 1950 et de renforcer les mesures de protection des enfants. Allez, on passe au sport. Occasion gâchée pour Lyon hier en Ligue des Champions. Et alors qu'il menait de 2 points, l'OL a finalement terminé sur un nul 2-2 à domicile face à Hoffenheim lors de la 4e journée. Le club est 2e de sa poule derrière Manchester City, déjà qualifié pour les 8e de finale. Le retour de Nicolas Anelka à 39 ans. Il reprend des fonctions officielles en France. Lille l'a confirmé hier. L'ancien attaquant du PSG et de Chelsea devrait encadrer les jeunes du centre de formation du LOSC. Enfin, sur la route du Rhum, pas de changement. François Gabart est toujours en tête, suivi de près par Francis Joyon. La météo dans la matinale, dans la matinée, la grisaille dominera de la vallée de la Garonne au pays de la Loire. La perturbation d'hier, elle s'évacuera par le sud-est du pays avec des averses sur l'est de la vallée du Rhône et la Corse. L'après-midi, le temps restera plutôt agréable avec une alternance de nuages et d'éclaircies, même si le ciel sera parfois bien voilé, accompagné de quelques gouttes dans le Finistère. Et puis dans la soirée, une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne. Il pleuvra aussi sur les Cévennes. Les températures ce matin, 5 degrés à Caen et à Bordeaux, 6 à Vitré, 7 à Lille, 9 à Metz et Clermont-Ferrand, 14 à Marseille et à Propriano l'après-midi. On attend 12 degrés à Paris et Dijon, 13 à Quimper, 14 à Châteauroux, 17 à Montauban. 6h32, aujourd'hui, si vous croisez Alain Delon, souhaitez-lui un bon anniversaire. Bah oui, on le croise toutes les secondes. Bah, chaque minute, bien il est sûr. Là, au Franprix du coin, évidemment. Comme novembre également. Et Florence Foresti, c'est leur anniversaire aujourd'hui, c'est jeudi 8. Ça va, t'es en forme, Justine ? Pleine forme. Et toi, Greg ? Ça va très bien. Voici YouTube, Magnificence, dans le Double Expresso RTL2. double expresso RTL de Magnificent. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Premier winner du jour avec Justine Trouet sur actu.fr. Et si vous êtes musicien et que vous aimez les records, j'ai ce qu'il faut pour vous. L'établissement de coopération culturelle d'Évreux a quelque chose pour vous, plus spécialement. Ah, c'est en pas fait, toi, c'est eux surtout. Surtout, ah, oui. La ville d'Évreux est donc à la recherche d'au moins 1000 musiciens. Hein? Ah, donc, des batteurs, des guitaristes, des bassistes, des claviéristes, des chanteurs, etc. pour reprendre 8 chansons phares du répertoire rock'n'roll le 23 juin prochain. Mais ils veulent, c'est quoi l'objectif ? Ils veulent battre un record, monter le plus grand groupe de rock au monde, qui s'appellera We Love Rock'n'Roll. Ah, bien, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé. C'est simple, c'est pratique. Ouais. Déjà 352 musiciens là ont répondu à l'appel pour commencer à répéter. Alors ça va à des Beatles, à Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Nirvana, Foo Fighters. Et on a aussi Close to Me de The Cure. Ouais. Là, ils ont besoin d'être 1000 là pour ça. Bah oui. C'est un record, c'est Greg. C'est un record. Eh oui, mais je suis fasciné par les gens qui veulent battre des records. Bah, c'est rigolo. Ouais. Tu lis, en plus, tu dis ça, mais tu lis le Guinness Book des records, là. Non, mais oui. j'étais pas du tout en second degré. Je suis d'accord. Fasciné. Non, le projet s'adresse à tous, à tous les musiciens amateurs à partir de 12 ans. L'inscription est gratuite, notez-le bien. Elle vous engage juste à travailler les 8 morceaux choisis et à participer à 4 répétitions communes. Donc, ça va. On vous met le lien pour participer. Franchement, si vous êtes d'Évreux, que vous êtes musicien, allez-y, c'est chouette. 12 ans, j'ai envoyé mon fils qui joue de la flûte à l'école, là, ça va faire bizarre. Ça se tente, il va être content. Pendant les concerts, il y aura plus de monde sur scène que dans le public, mais c'est bien. Hein. Bah oui, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. On vous met le lien sur la page Facebook de l'émission, le double expresso RTL 2. Allez battre le record. Et voici Wet, Wet, Wet, Love is All Around, la BO de 4 mariages et un enterrement sur RTL 2. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes, it is. So

avec le double expresso RTL 2. Le son pop rock. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. Trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. John Mendes dans le double expresso RTL 2 In My Blood, 6h51. RTL 2, le tube de la brosse à dents. Bonjour Sarah. Bonjour Grégory, bonjour Justine. Coucou Sarah, ça va bien? Oh, ça va super. Bon, on est content de vous accueillir. Brielle-sur-Barre, CV à côté de Troyes, c'est ça? Vous nous appelez? Exactement, de... Exactement, dans l'Aube, ouais. Dans l'Aube, très bien. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Alors, moi, je suis responsable de secteur dans les chauffe-eau et les radiateurs. Oh, c'est la saison, là. Oh, c'est là, c'est... Ah, oui. Et c'est pleine saison pour vous, là, hein, Sarah, j'imagine. Il fait juste pas assez froid, en fait. Ah bon, oh, bah, si. Bon, bah, attendez, ça arrive. Alors, une vague de froid pour Sarah, s'il vous plaît. Moi, j'ai mon chauffage à fond, là, déjà. Mais toi, t'es ça frileux. Va me coûter un bras, cette histoire. Et toi, 22 degrés, t'as froid. Ouais, bon, en même temps. Et vous aimez le triathlon également, vous le pratiquez? Voilà, c'est ça. Toute la famille fait du triathlon, en fait. Génial. Les enfants aussi? Les enfants aussi. Ah ouais, bah Justine s'est proposée de s'offrir un nouveau défi en triathlon. Non, mais, non, j'aimerais bien en vrai. Je trouve ça assez courageux. Faut enlever les bouées. Hop, quand tu nages. Et après, derrière, ça va aller, quoi. Non, mais non. Je parle vraiment des bouées. Il est canard. Mais non, les gars, faut arrêter. Ouais, c'est non, ça. Je tu y pensais, non, je jamais. Le sais très bien. J'aurai sur ma vie. Oh, regarde, hop là, tout de suite. Allez, Sarah, pour éviter de partir en. Hein, cacahuète, on va jouer avec Bruce Springsteen. Salut Bruce. Oh yeah, ça fait 24 heures que vous ne dormez plus, que vous ne respirez plus, me voilà, votre propre cœur préféré, Bruce Springsteen. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Allez Bruce, à toi de chanter pour gagner un séjour Brittany Ferries d'une valeur de 1000 euros. Ah ok, c'est cadeau quoi. Facile. Alors Sarah. We will rock you. Ouais. C'est qui? Mais elle est We Will Rock You. Oui, il y a le titre Queen. We Will Rock You. Et ben voilà, vous venez de gagner un séjour Brittany Ferries d'une valeur de 1000 euros et on est très heureux de vous l'offrir. Évidemment, bravo super, Sarah. Merci à celle-deux. Vous allez pouvoir découvrir Londres et l'Angleterre. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée et... Merci. Sarah, la question, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso, évidemment. Make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Sur RTL2. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL2. Et ben voilà qui met de bonne humeur et qui lance parfaitement Jonathan O'Donnell. Bonjour Jonathan. Bonjour Grégory, bonjour Justine, bonjour à tous. Bonjour. Le top 3 de l'actu décalé revisité avec Jonathan O'Donnell. Et je vous emmène au Guatemala, puisque le volcan El Fuego, très beau nom de volcan, est entré à nouveau en éruption cette semaine. Du coup, les autorités ont conseillé aux habitants d'évacuer Kekalor, c'est le village qui est situé en contrebas. C'est que des noms qui correspondent bien. Ah, il faut parler un poil espagnol. Quelle chaleur. LV2, allez, une info science. Des chercheurs du Massachusetts ont pour projet un laser géant pour attirer l'attention des extraterrestres. Ouais, c'est très bien les extraterrestres. Ouais, oui. Les chercheurs du Massachusetts, ils pensent que les extraterrestres, c'est des chats, hein, visiblement. Un petit coup de laser et ça bouge partout. Ah, faut arrêter avec ça. Et enfin, en terminant, en Malaisie, un cybercafé a effacé sans le vouloir un jeu vidéo qu'un prodige de 12 ans avait mis un an à créer. Les boules. Ouais, mais c'est bien fait, ça lui apprendra à traîner au cybercafé plutôt qu'aller à l'école. T'imagines? 12 ans, tu vas à l'école. Bah oui, moi je pense la frustration de ce pauvre petit garçon. Déjà que moi je suis malheureux quand je passe pas un niveau enregistré sur Mario. Alors là, on efface. Mario. LP, Pink Floyd, Spin Doctors. A tout de suite sur RTL. Le quoi, Mario? C'est le meilleur des jeux, Mario. Bien sûr. RTL 2 a été la première radio en France à jouer ce titre d'Imagine Dragons. Tom Walker, vous l'avez découvert sur votre radio. RTL 2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Pink. RTL 2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô? Allô? J'entends rien, il y a de la friture! Ah bah ça tombe bien parce que demain et après-demain chez Lidl, le filet de 2 kg de pommes de terre spéciales frites est à 1,79€. Moins 1,80€ les 2 kg de pommes de terre spéciales frites! Ça fait 90 centimes le kilo et origine France, hein? Oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, calibre 50-75, variété Atoll, Noah, Mélodie et Crohn, traitement antigerminatif après récolte, origine France. Plus d'informations.

Enfin, toujours en foot, Didier Deschamps dévoilera cet après-midi le nom des 23 joueurs retenus pour affronter les Pays-Bas. Ce sera le 16 novembre prochain, un match dans le cadre de la Ligue des Nations. On passe à la météo dans la matinée. La grisaille dominera de la vallée de la Garonne au pays de la Loire. La perturbation d'hier va s'évacuer par le sud-est du pays avec encore des averses sur l'est de la vallée du Rhône et sur la Corse. L'après-midi, le temps sera plutôt agréable avec une alternance de nuages et d'éclaircies, même si le ciel restera parfois bien voilé, accompagné de quelques gouttes dans le Finistère. Dans la soirée, une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne. Il pleuvra également sur les Cévennes. Les températures ce matin, 5 degrés à Limoges, 6 à Paris et Cambrai, 7 à Saint-Malo, 8 à Saint-Jean-de-Luz, 10 à Haguenau, 14 à Fréjus et 16 à Calvi. L'après-midi, on attend 11 degrés à Charleville-Mézières, 13 à Nevers et Besançon, 14 à Chinon et 17 à Argelès-sur-Mer. 7h03, bonjour à tous, bienvenue dans le double expresso RTL 2. Vous êtes Justine Salmon. Et c'est moi-même, bonjour Greg. Bonjour à toi, bienvenue, bonjour Max. Bonjour. Qui s'occupe des réseaux sociaux, bonjour à Jonathan O'Donnell. Salut la compagnie. Bonjour et bonjour à Jérémy qui est aux manettes de l'émission. Bonjour tout le monde. Toute l'équipe est en pleine forme du son pop rock comme Spin Doctor, Spin Floyd ou LP, l'Instant New pour cette deuxième heure du double expresso RTL 2. When you get older, plain or saner, will you remember all the danger we came from? Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke up. Sur RTL 2. Grégory Hacher et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL 2. Et c'est un plaisir de vous retrouver pour attaquer ensemble ce jeudi matin. Tout va bien. Et alors, je ne sais pas dans quel état nous serons demain matin, je vous le dis. Ah. Je préfère quand même anticiper, vous l'annoncer. Soyez là demain matin entre 6h et 9h pour le dernier double expresso de la semaine. Peut-être pour le dernier double expresso tout court. Je vais vous dire pourquoi, ou plutôt je vais laisser le soin à Justine de vous dire pourquoi. Je ne sais pas dans quel état mon appartement va être, surtout parce que je fais ma crémaillère avec toute l'équipe. Aïe, oui, j'ai quand même un petit appartement, hein, parce qu'on est à Paris. Oui, et on est 10. 180, 180 mètres. On va remplir l'espace, Et puis j'ai fait, non mais sachez que je prends ça vraiment en premier degré, j'ai fait une liste de courses qu'entre ceux qui aiment les légumes, ceux qui aiment le gras, ceux qui... Oh là là, vous êtes compliqués, hein. Bah, elle veut pas dévoiler en plus. Non, hier, on en a pas, elle veut rien dire. Bah, j'ai entendu le mot nugget, ça m'a fait peur. Oh, faut que je fasse le ménage et que je cuisine aujourd'hui. Les nuggets, c'est pour moi. Ah oui, c'est ça. Les légumes, c'est pour moi. Bah, c'est impeccable. Donc demain, écoutez, ça sera la surprise. Ouais. Nous, on verra bien. Du coup, je vais faire ça proprement ce matin. Voici Pink Floyd dans le double expresso RTL2. Nous vous souhaitons un excellent réveil. Et bien, on se retrouve avec nous ce jeudi matin. Tout va bien chez RTL2. Comme ça, c'est carré. We don't need no education. We don't need no thought control. Dans le double expresso RTL2, Another Brick in the Wall. Il est 7h11, alors peut-être que vous êtes en voiture et que lorsque vous nous écoutez à cette heure-ci, vous avez un point de repère et vous vous dites, tiens, je suis pas en retard parce que je suis à tel endroit au moment où il papote. Bon, et bien sachez que dans l'info expresso du jour, là, dans quelques secondes, je vais vous donner des astuces infaillibles pour ne plus être en retard. Oh ah, ça, c'est intéressant. Utile, hein. Ça, c'est pas mal. C'est l'info expresso. J'espère que tu t'es bien creusé. Hein. Ah là, mais j'ai... Ça veut rien dire cette phrase. Tu t'es bien creusé, Grégory. Creuser la tête. Ah oui. Ah oui. Mais tu peux finir. Bien sûr que ça veut dire quelque chose. Tu t'es bien creusé. Non. La tête. Voilà. Sinon, tu t'es bien creusé. Bah, c'est diminué. J'espère que t'as bien mangé. Bah non, quoi. Manger. Ah oui. Bah, tu vois, ça marche pas sinon. Spin Doctors sur RTL2 à suivre aussi. Tu comprends ce qu'on dit Oh. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Demain, à partir de 18h dans le Drive RTL2, c'est l'événement. On reçoit Muse. Hey, how's it going? We're Muse and you're listening to RTL2. Une heure d'interview avec Muse, c'est demain dans le Drive et uniquement dans le Drive RTL2. Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL2.

7h17, vous êtes dans le double expresso RTL de bonjour à tous, on est en pleine forme, ça va bien Justine? Oui, ça va Greg, et toi? Oui, ça va très bien, je suis content d'être là, Jonathan aussi. Nickel. On est jeudi, ça commence presque à sentir bon le week-end, plus qu'à quand il s'est passé jeudi matin, t'imagines. Spin Doctors, Two Princes, et puis après mes astuces pour ne jamais être en retard, ce sera l'info expresso RTL 2. Two Princes dans le double expresso RTL 2. L'info expresso RTL 2. L'info expresso, c'est tous les jours 6h20, 7h20, 8h20. On lit la presse, on fouille le web pour vous. Le Figaro, madame. Oui, je le lis et j'ai trouvé un truc incroyable, des astuces infaillibles pour ne plus jamais être en retard. Bon, j'en fais des tonnes sur le incroyable, mais je ne veux plus que vous subissiez ceci. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de vous rendre. Je suis en retard. Le lapin. Non, il se fait des merveilles. Alors, ce sont des conseils qu'on s'applique nous-mêmes. Je tiens à vous le dire pour une grande partie de l'équipe du Double Expresso RTL 2, parce qu'évidemment, la hantise, c'est le non-réveil lorsque vous animez une émission matinale, mais c'est évidemment le cas pour vous. J'en doute pas une seconde. La base, évidemment, deux réveils valent mieux qu'un. Alors, je fais partie des psychopathes qui en ont 8. Ah, moi aussi, j'en ai 7. J'en ai 7, moi. Ouais, c'est normal. Jérém, pareil. 6. Voilà, et Max 2. Tout simplement. Voilà. Deux réveils valent mieux qu'un, quel que soit l'horaire pour vous sortir du lit. Il faut un deuxième réveil. L'astuce, c'est aussi d'en être un peu plus loin du lit, parce que quand il sonne, ça vous oblige à vous lever. Maintenant, je fais ça. Ouais, ça marche pas mal. Ensuite, alors ça, c'est ce que je fais et ça fascine mes enfants, choisir ses tenues avant de dormir et je les mets dans le salon. Ah bah oui. Ah ouais. Alors, à l'heure à laquelle on se lève, je comprends. Mais après, pour moi, la tenue, c'est ça, ça dépend de ton mood du réveil. Donc là, je change souvent, moi. Allez, alors, sachant que moi, c'est toujours la tête à l'envers. À 4h du matin, il n'y a pas de mood à 4h. Hein. Alors, il n'y a pas de mood. Donc, préparez votre tenue la veille. Ensuite, toujours laisser un pull, un parapluie et les clés près de la porte. Parce que les clés, ça fait du bruit. Le parapluie, si jamais il pleut, on n'est pas surpris. Et un pull, au cas où d'un coup, il fait froid alors qu'il faisait chaud la veille, vous êtes préparé. C'est des bonnes astuces, ça, c'est vrai. Ça, c'est les astuces de Papa Grégoire. Ouais. Les clés, ça fait un bruit de dingue quand tout le monde dort. Bon, bah voilà. Et puis, un dernier truc, nous dit le Figaro Madame, travaillez votre ambition. Être en retard n'est pas anodin, ça peut se corriger. Il faut réviser son attitude envers le temps. C'est un travail sur soi qui nécessite avant tout de l'ambition. Je ne serai pas en retard, vous le décidez. Travaillez votre ambition. Vous faites du télétravail. Voilà, comme ça vous êtes en avance. Exactement. Je suis sur place, les gars, c'est bon. Mais comme ça, t'es jamais en retard. Voilà pour les astuces du Double Express RTL2. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, 'cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You're pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. Out of your life, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it all of this time, yeah. Young blood, see you want me, see you want me. Back in your life, so I'm just a dead man calling tonight. 'Cause I need it, yeah, I need it all of this time, yeah. Lately our conversations end like it's the last goodbye. Who you been calling, baby? Nobody could save my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. RTL de 5 Seconds of Summer, Youngblood dans le Double Expresso, 7h26. L'heure de l'horoscope. On y va avec les médailles de bronze, Justine et les scorpions. Ne vous laissez pas influencer par les mauvaises personnes. Les sagittaires. Vous vous mettez trop la pression, ralentissez le pas. Et les Verseaux. Vous êtes fatigués mais tenez bon, la semaine est presque terminée. Passons médaille d'argent, les béliers. C'est la journée idéale pour passer du temps en famille. Les taureaux. Vous êtes très détendus en ce moment, cela joue en votre faveur. Les gémeaux. Ne cessez jamais de sourire, la vie est belle. Les cancers. Aujourd'hui, les ondes positives sont de votre côté. Les lions. Vous êtes tenaces, ne lâchez rien, la réussite est proche. Vierge. Votre atout séducteur sera de la partie en cette fin de semaine. Balance. La chance se provoque et vous l'avez bien compris. Les poissons. Vos proches apprécient beaucoup votre ouverture d'esprit. Et puis Justine, la médaille d'or du jour. Les capricornes, votre journée se déroulera sans encombre, profitez-en. LSD, Sam the Clouds pour le son pop rock à suivre. Et puis on va jouer à la banque RTL de 32-28. Vous nous appelez maintenant hein, pour vous inscrire. Vous connaissez le principe, ou banque au 74-900. Vous jouez avec tout pour gagner jusqu'à 10 000 euros. On a des séjours au ski, plein de belles choses. Il y aura aussi ma chanson du jour. À tout de suite. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL 2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL 2. RTL 2, la radio pop rock. Intermarché vous propose d'écouter 3,78€.